chaque lundi depuis 10 ans. Au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Bonsoir, en manchette ce soir, test de douleur, test de goût et test fécal. Et ils sont ici juste pour moi aujourd'hui, vos chroniqueurs Jesse Spencer, Marianne Tremblay-Gosselin, Tommy Colin-Vallée, Tommy Garceau, Gaël Corbeau et notre house band de Maté Luna, ainsi que nos invités Potion 13, en direct du Brouhaha à Montréal, vous êtes à 70%. Pourquoi donc se donner à fond pour un projet de con, s'épargner la déception, si tu le dis à lui, dis-moi un petit peu, c'est mieux que rien, et quand on nous en est copains, ensemble on donne le transport de ce temps. J'espère que ce sera la vôtre aussi. Toujours de mieux en mieux, sont 70%. De toute beauté, merci beaucoup, Maté Luna. Ouais, on peut les applaudir. Ah ouais. On commence un autre 70. Ouais, t'as pas fini, let's go. Continue, je t'en prie. Vas-y, j'en veux plus. On va apprendre à se parler, Georges, tu vas voir, on va l'avoir. Hey, là-dessus, merci beaucoup tout le monde d'être là, on est à 70% une autre fois. Vous remarquez, hein, ça fait du bien de revoir Bruno, hein? On est-tu content de le voir? Ben oui, ben oui. Hey, Bruno, t'es allé en France? Hein? Je suis allé en Allemagne puis en France, ouais. C'est capoté, ça. Ouais. V'là 100 ans, c'était le début de la Première Guerre mondiale. Ouais. Pis, y'avait-tu des traces de ça, quelque chose? Y avait un bout de mur à Berlin, hein? Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, ça. Ouais. C'est probablement le mur. Ah ben non, il y en a un plus célèbre que ça. Ouais, il y en a juste un, par exemple. Ouais, ben il y a peut-être celui des Lamentations. Non, il y en a juste un. Ah ouais, il y en a juste un plus célèbre que lui, j'avoue. Ok, c'est bon. Pis sinon, t'as-tu ramené un beau cadeau ou quelque chose? Je me suis fait une blonde en Allemagne puis une blonde au Danemark, fait que... Ça allait vite! Ouais, ça allait vite quand même. En deux soirs en plus. Fait que, écoute, on a réglé ça. Au assez Danemark? Ouais, ben, elle était en Allemagne, mais là, elle est au Danemark. Ok, ok. Ça s'est réglé. Là, j'ai des mis dans ces deux pays-là. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marit. Ah, ok, non, je la connais. Non, c'est pas la tienne. Non, mais ça aurait pu être une des filles que j'ai rencontrées au Danemark. Il n'y en a pas tant que ça, tu sais. C'est vrai. Sinon, ben, 70% est très content d'inviter ou en fait d'accueillir. On peut les applaudir, s'il vous plaît. C'est Potion 13. Merci. Come on. Ah oui, on a Daniel et Nati de Potion 13. Toi, t'es la bassiste. Est-ce que t'es l'idéaste derrière ça? L'idéaste? C'est vrai, oui? Non, c'est plus Daniel et Brian. Ah ouais, hein? Oui. Je suis pas habituée à tenir le micro. Habituellement, c'est elle. Ben, tu peux y passer quand tu te sens à l'aise, mais sinon, on est bien content de vous avoir avec nous. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Il n'y a personne dans votre band qui joue à Magic. Non. Non, c'est ça. Okay. Sinon, ben, ça date de quand, Potion 13? Ça a été quoi la motivation initiale? C'est depuis 2002. OK. La motivation, c'était de chanter en français du heavy metal, vu qu'il n'y en avait pas vraiment beaucoup à l'époque, là. Puis, on voulait répandre la langue québécoise à travers le monde. À peut-être des gens qui n'écoutent pas, comme on va dire, du chansonnier, ben, c'est une façon de véhiculer le français québécois. Parler de Satan en sacrant. Eh oui. Mais on est Potion 13 parce qu'on est un peu sorcière, moi, Pinat. Ah ouais, hein? Un petit côté sorcière, mais... Ça doit être tough. Ça. Tu sais où t'envoies tes CV, mettons, tu cherches une job de sorcière. Ce serait surprenant, tu... C'est surprenant parce que notre groupe jouait dans plein de radios à travers le monde, même au Japon, là, en français, là, c'est quelque chose. Les autres, ils aiment ça, le métal, là-bas, j'ai l'impression, de tout. Mais en Allemagne, Belgique... Bravo, ça, c'est... plusieurs pays. Fait que vous avez amené le sacrage un petit peu partout sur Terre. Eh oui! J'aime ça. Surtout avec notre chanson « Crise de sans cœur ». Oui, d'ailleurs, je pense qu'on va écouter un clip de ça tantôt. Oui, c'est ça. Ah, oui, bonne affaire. Et sinon, ben là, vous avez joué sur des radios. Avez-vous fait des tournées? As-tu comme un souvenir de tournée capotée? On n'a pas fait de tournée en Europe, là, parce qu'on est quand même un groupe indépendant, ce qui fait que les moyens sont limités. Ah ben oui, c'est sûr. On s'entend. Oui, oui. Mais on a fait voyager quand même notre musique un peu partout. C'est ça qui vaut la peine. Et voilà, c'est ça, oui. Puis, on a joué au Québec. On a été chanceux. On a ouvert pour des gros groupes, hein? Ben oui, ben c'est ça. On n'a peut-être pas joué à l'international, mais on a joué avec beaucoup de groupes internationaux à Montréal. Comme encore cette semaine, on ouvre pour un groupe allemand. C'est l'ancien guitariste de Scorpion. C'est un guitariste légendaire. Puis on joue, c'est mercredi, si ça vous tente, c'est 30$ la porte, par exemple. Ben oui, c'est où, mercredi? C'est au Catacombe. Au Catacombe, c'est une place à métal, hein, ça précise. Ouais. Ça sera sûrement pas la première fois que vous allez jouer au Catacombe. Non, on a fait notre lancement en 2013. Puis on a ouvert aussi pour Halloween d'Allemagne aussi, au Corona l'année passée. Là, moi, il y a une affaire de laquelle je veux parler un petit peu. Là. On parle de musique et tout, mais ça me coche l'affaire des sorcières. Moi, ça me met mal à l'aise, ça. Vous n'allez pas comme nous on faire... On est des bonnes sorcières. Des gentilles sorcières. Des gentilles sorcières. C'est-tu celles qui... D'habitude, c'est celles qui sont brûlées déjà, les gentilles sorcières. Mettons, les, ouais, mettons que vous étiez des méchantes sorcières, est-ce que vous diriez que vous êtes des gentilles sorcières? Qu'est-ce que tu penses, toi? En tout cas, on va essayer de trouver une manière que vous puissiez nous prouver que vous êtes des vraies gentilles sorcières pendant l'émission qui s'en vient. On a parlé de votre show qui s'en vient au Catacombes. Vous êtes à 70%. Vous allez passer une belle heure avec nous. N'hésitez pas à parler. Vous avez un micro à deux, mais on est très content de vous avoir avec nous. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, c'est pas si on presse. Ouais. Merci. Fait que, à partir de maintenant, Georges, je t'en prie. Okay. On s'en va vers les nouvelles. C'est comme si on le savait. La communication. Un malade. Alors, pour ceux qui remarquent, j'ai oublié de charger mon iPad. Au Japon, un homme d'affaires de 54 ans a appelé la police après avoir été poignardé dans la hanche. Lorsqu'interrogé par la police, il est devenu évident que son histoire contenait plein de trous et l'homme a finalement confessé s'être lui-même poignardé parce qu'il avait, semble-t-il, besoin d'un congé. Il a été arrêté par la police pour avoir interféré avec son travail. Pour la période pascale, la compagnie Nabisco a lancé une fois de plus les Oreo Peeps, des Oreo avec une crème rose qui rappelle les marshmallows Peeps qui ressemblent à des poussins parce que c'est pas pitaïol. Plusieurs clients se sont rendus sur Twitter afin de se plaindre que leur caca était rose après avoir mangé les 10 Oreo. Lorsque contacté, une porte-parole pour Oreo a affirmé que le colorant alimentaire utilisé dans les Oreo Peeps peut parfois altérer la couleur du caca. Maintenant, vous savez, merci Nabisco. C'est pas pire, ça. Mais quand même, il faut que ça teinte fort, hein? C'est du gros colorant rouge numéro 4, là. C'est ça, c'est solide, ça. Et c'est peut-être du monde qui a mangé 8, 12, 13 Oreo Peeps. Ouais, c'est ça. Ouais. Tellement c'est bon. Tu manges la boîte au complet, tu sais. Ça va y aller comme... manger, en tout cas. Et voilà. T'es une fan d'Oreo, toi? Habituellement, oui. Tu me passes de caca rose? Photo! OK, next! Avec la sortie de la toute nouvelle console Nintendo, la Nintendo Switch, une question importante brûle les lèvres des gamers qui, à travers le monde. Qu'est-ce que ça goûte, une cartouche de Nintendo Switch? Eh bien, cessez de vous poser la question! Des gens ont déjà mis des cartouches de Nintendo Switch dans leur bouche afin de vous passer l'information. Le verdict? Dégueulasse. En effet, il semble que Nintendo, dans l'espoir que personne ne mette de cartouches dans leur gueule et qu'elles soient avalées par accident, ait mis un agent amer sur les cartouches de sa nouvelle console. Les internautes nous avertissent que le goût dure également très longtemps, environ une heure avant de se débarrasser de l'amertume dans votre bouche. Maintenant, vous savez. Merci, Nintendo. Hey, j'ai vu aujourd'hui sur eBay une Switch, il y a un gars qui est avant, puis il a drillé des trous au travers en forme de Triforce. Puis avant sur eBay, puis tu sais, tu peux plus jouer avec là, elle est percée trois fois ça de gros. C'est une œuvre d'art. C'est rendu à 90 000$ sur eBay. Ben c'est une œuvre d'art, t'as vu. Ça s'appelle un objet trouvé. C'est vrai, oui. T'en as-tu une autre? Je peux en faire une autre. Un homme de 40 ans qui prenait très mal sa récente rupture avec sa copine est entré chez un voisin et aurait frappé une fillette de 7 ans. Le père de la fillette aurait alors confronté l'homme qui serait devenu d'autant plus agressif, se battant avec le père et frappant un troisième homme à la tête avec un cendrier. Après s'être libéré de la bagarre, l'homme aurait crié « Je suis Spider-Man » avant de se jeter par la fenêtre du deuxième étage. L'homme a été trouvé par la police avec plusieurs coupures sur son corps et une cheville cassée. Aucune accusation n'a été portée. Ça a dû être un des plus belles après-midi. Voyons là. Merci beaucoup Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Ah oui. On est content de le revoir ici. Là, à partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer au micro. Êtes-vous prête? Ça va popper. S'il vous plaît. Salut Toby! S'il y a du garçon? Oh oui, ça va bien? Ben oui! Hey, t'as été longtemps pour un bout? T'étais où, Colin? J'ai été longtemps pour un bout, effectivement! T'étais longtemps ailleurs pour un bout? T'étais où? J'étais en Europe! Ok, ben tu nous as tout manqué! Ok! T'as manqué un esti de bon show le 13 février passé! Je sais pas si certains d'entre vous étaient là! Ben oui, t'avais envoyé ton ami Jacinthe! Oui, c'est ça, exactement! J'ai une de mes amies qui s'appelle Jacinthe, qui est une prostituée sexologue transgenre. Qui est venue faire un petit cours, puis elle a fait un cours de fellation. Et je sais que ça l'a choqué certaines personnes. Et je tenais à m'en excuser. Ben oui, ben c'est correct, de toute façon, moi je l'écouterai pas. J'écoute pas les shows quand je suis pas dedans. Ok, mais. Mais en tout cas, le message est passé, mais je pense que c'est correct. Là. Ben j'aime beaucoup ton honnêteté, mais de toute façon, t'as bien fait de pas avoir été là, parce que je suis sûr que t'aurais beaucoup aimé, sûrement croiser. Parce que je sais, pour l'avoir vu, qu'elle se crosse avec des estis de gros dildo. Pis t'as l'air toi-même d'un gros dildo. Je tenais à te le dire. Merci. On le remarque pas assez souvent. Pis là, c'est ça, j'ai dit, Jacinthe, commande. Tu veux percer dans le monde du show business, pis tu viens sucer une graine devant tout le monde, c'est pas de même ça va marcher. Fait que ben, là, j'ai peut-être, dit. Peut-être, en fait. Tu ben, ça dépend. C'est ça, ça dépend du show business. Ça dépend toujours du genre de show que tu fais. C'est ça, c'est ça. Mais là, moi, je suis réalisateur. Fait que j'ai dit, Jacinthe, si tu veux percer, on va faire quelque chose de plus smooth. Je sais pas, moi, une émission de cuisine, tu sais. Quelque chose de bien c'est smooth. C'est ça qui manque, ben oui. Puis elle a dit, ben oui. Puis là, ça y tentait de faire une émission de cuisine. Fait que là, je me suis engagé à filmer une émission de cuisine avec elle. Mais quand elle me racontait sa recette de salade de macaroni, je savais que j'étais dans merde en esti. Pis dans ce cas-là, la merde, c'est pas juste une expression. Ouais, je pense que, ouais. Mais sinon, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire mes fameuses chroniques de cinéma. Ah oui. Je sais que c'est pas une surprise pour personne, parce que moi, dans la vie, j'ai juste deux passions, OK? Le cinéma, puis aussi empailler des êtres humains avec un visage de terreur et de douleur. Parce que justement, je suis en train de me monter un musée avec plein de gens empaillés morts. Puis j'ai appelé ça judicieusement l'horrible musée du docteur Diarré. Et je pense que ça va être un succès. Mais là, je vais vous raconter un petit peu. Là, je me demandais, OK, je fais une chronique sur quoi? Je fais une chronique sur quel genre de cinéma? Parce que la dernière fois que j'ai fait une chronique sur le cinéma, j'ai parlé des films de singes. Oui. Je vais m'en rappeler longtemps. Ouais. Parce que je sais que t'es un fan des films de singes. Qui n'est pas fan de films de singes? Exactement. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai pas trouvé de genre en particulier, fait que j'ai juste décidé de partager avec vous un peu mes états d'âme actuels en tant que scénariste-réalisateur. C'est bon. Donc, par rapport à l'industrie, genre. Par rapport à ce que je fais, moi, artistiquement, tu sais. Artistiquement. Fait que okay, parler de tes films, dans le fond. Ben oui, c'est ça, exactement. Okay, c'est de mes idées de films. Parce que moi, j'ai commencé à faire des drames depuis 2 ans. Ouais. C'est très intéressant. J'ai fait un drame d'amour sur le cancer. J'ai fait un film sur des musiciens, un film sur l'amitié. Puis là, je suis en train de faire un film sur la séparation. Mais là, l'effet que ça a eu, c'est que moi, d'habitude, je fais de la comédie, OK? Fait que le fait de faire des films sérieux, ça fait que mes films absurdes sont encore plus absurdes qu'avant. Donc, ma carrière, en ce moment, est vraiment fucking schizophrène. Puis j'avais le goût de vous parler un peu de mes idées les plus éclatées qui me viennent en tête ces derniers jours. Donc, premièrement, un des films que je veux faire, c'est un film d'horreur, comédie d'horreur, avec deux de mes passions principales, la sodomie et les fantômes. Parce que moi, là, c'est un thème récurrent dans mes films, la sodomie et les fantômes, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu checkes ma filmographie, j'en parle tout le temps. Je sais pas pourquoi, ça, il faudra en parler à mon psychothérapeute. Mais il y a... Je te fais confiance là-dessus. Mais il y a une scène dans le film que je joue un acteur de théâtre gay, puis je me fais sodomiser par un fantôme. Puis à la fin, je me dis... vous auriez pas un fantôme noir par hasard? En tout cas, un grand moment de cinéma. On est chanceux, c'est pas des sorcières. Hein? Exactement. J'ai fait un film de sorcières, mais on va en revenir un petit peu plus tard. Sinon, j'ai pensé aussi faire un film de voyage dans le temps. Que dans ce film-là, je me rencontre moi-même dans le futur une semaine plus tard, puis je m'auto-sodomise. Sodomisation est un thème récurrent dans mon cinéma. T'as-tu comme essayé de vous parler à place? On se parle comme 30 secondes, mais ça dure pas longtemps. La sodomie, elle arrive ben. C'est comme ça que j'écris. C'est correct. C'est les tiens. Puis il y a une scène à la fin du film que je trouve que c'est un des plus beaux moments de cinéma que j'ai jamais écrit. C'est que je me fais tuer par des cyborgs. Puis je meurs dans les bras de mon ex-chum, parce qu'encore dans ce film-là, je suis homosexuel. Ça aussi, je sais pas pourquoi. Mais je meurs dans les bras de mon ex-chum, ça fait comme 1 an qu'on n'a pas couché ensemble, puis on s'embrasse. Puis lui, il a une moustache. Moustache! Puis, ouais. Là, je l'embrasse, puis je dis, ta moustache, elle sent plus comme avant. Puis il me regarde, puis il dit, elle sent plus ton cul. Un grand moment de cinéma, je vous le dis. Sinon, j'ai plein d'autres idées qui me viennent comme ça en tête. J'ai goût de faire... On a du temps pour 2-3, là. Oh! Sinon, j'ai le goût de faire un sitcom exclusivement écrit par des trisomiques. Ben voyons, non, ça existe déjà. C'est 4-5 chéros, jamais du golf! Oh! Burn, mascotte, burn! Sinon, une autre affaire que je veux faire aussi, c'est un remake de Jurassic Park avec Janine Souto. J'en avais tous les rôles de tous les dinosaures. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que je pensais à ça quand j'étais en train de me crosser, puis je me dis, tu sais, personne sait quel âge qu'elle a, Janine Souto. Personne le sait, même... À part Janine Souto, peut-être. Ben c'est ça, mais même elle, je pense qu'elle sait pas. Personne sait quel âge elle a, Janine Souto. L'Internet le sait pas. C'est un des grands mystères de la vie. Mais il paraît, dernièrement, ils ont trouvé des hiéroglyphes, puis on peut dater au moins à 1800 avant Jésus-Christ sa naissance. Là. Exactement. Peut-être un petit peu avant. Exactement. Là. Ça serait ça le seul gag du film, c'est que Janine Souto est tellement vieille qu'elle est née dans l'ère paléontologique, avec les dinosaures. C'est comme l'experte en dinosaures, parce qu'elle a vécu à cette époque-là. C'est ça, exactement. Elle les connaît par le prénom. Là. Puis j'ai pas vraiment de contenu à date, je vais vous avouer, c'est comme mon film avec le moins de contenu. Mais juste l'idée de Janine Souto avec une crête qui crache du venin, ça m'excite beaucoup, puis ça vaut un film, je pense. Puis c'est pas pire, parce que j'imaginais encore en train de te branler, puis le venin craché. Puis continue. OK, c'est bon. Là, j'en viens au magnum opus de ce que je pense en ce moment, c'est que j'ai le goût de faire un film biographique, autobiographique. Donc, je sais que ça peut paraître crissement égocentrique, puis prétend ensuite faire un film sur ta vie quand t'as juste 28 ans. Mais moi, je vais vous les avouer. Je vais vous avouer. Xavier Dolan, man. Ben, je sais. Mais moi, je suis fucking narcissique. Tu sais, puis quand j'ai. Puis je pense souvent que je suis Dieu. Ben, c'est ça. Là, je me suis rendu compte récemment que se prendre pour Dieu, c'est un problème psychologique quand même assez grave. Fait que j'ai commencé à prendre des antipsychotiques. Puis à date, ça va très, très, très bien. Tu veux dire que tu te prends plus pour Dieu? Non, ben, c'est une des affaires qui arrive plus dans ma vie qui me font du bien. Donc, premièrement, j'ai plus le goût de slugger des bébés. j'ai plus le goût de désosser un nain. J'ai plus le goût de forcer des petits Suisses à se prostituer à tous les bouts de Notre-Dame-la-Merci pour mon propre plaisir sadique et sexuel. Donc ça, ça va très bien. Mais je me suis rendu compte que moi, OK, je fais un film sur ma vie, OK? Là, j'ai commencé à repenser à toute ma vie, puis je me suis dit, hey man, j'ai une esti de vie fuckée. À 16 ans, je suis encore dans ma couche. Il y a 5 ans, j'ai découvert mon père mort pendu. Non, c'est pas vrai! C'est son coloc qui l'a découvert. Sinon, je me suis déjà fait crosser par une prostituée, pas dedans, couchée dans des sacs de vidange. Puis je m'en rappelle, j'étais couché dans des sacs de vidange, je regardais le ciel puis les étoiles, puis je me disais, « Calisse, Toby, que t'es une personne merveilleuse! » Va t'asseoir, Calisse! Puis que ton père mort serait fier de toi! Sinon, c'est à peu près ça. Je dirais que la morale de l'histoire, c'est continuer de créer, même si vos idées sont aussi poches qu'un remake de Jurassic Park avec Janine Sto. Hein? La belle petite morale à la fin. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Toby Garceau, mesdames, messieurs. Je suis content de savoir qu'il consulte parce qu'il y avait l'air un petit peu à des thématiques borderline. Il est vraiment plus heureux qu'avant, je trouve, Mathieu Boudreau, hein? Néo Boudreau, ben oui. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. On est rendu au prochain, s'il vous plaît. Je suis comme un arrière-goût de Nintendo Switch dans la gorge. Merci, Tommy. J'ai rien à voir avec ça, c'est lui le messager. Ah non, je sais. Non, je parlais. Il parlait de la chronique. Je suis un peu. Hein? Hey, ben salut. Cette semaine, on fait différent. J'ai l'impression de profiter un peu de la présence de nos invités hein, pour les connaître un peu mieux. Ah, c'est le fun ça. J'ai apporté des beaux outils psychologiques super. Oh, calice, c'est donc une bonne idée. J'ai un quiz fest. Dans une revue de jeunes, comme un cool, mais qui aurait juste du quiz dedans. Tu sais, c'est enfin, on apprend à se connaître. Hein? Fait que tu peux faire des tests comme quel Power Ranger êtes-vous? Ouais. Ah, c'est même pas une joke. C'est pas une joke. C'est quel Power les Ranger? Nouveaux Power Rangers? Les nouveaux parce que c'est parce que c'est la nouvelle revue. Là. C'est pas une vieille revue. Pour ceux qui seraient pas de la génération Power Ranger, en fait, c'est comme une gang d'adolescents qui sont obligés de s'habiller en spandex de couleur pour combattre des monstres en caoutchouc sur une maquette. Et les couleurs ne sont que des accidents, des coïncidences. L'asiatique a le jaune. La fille blanche a le rose. Le gars noir a le noir. C'est juste de même que ça donne. Ça a donné de même. C'est ça. Fait que je vais pas vous faire ça parce que c'est peut-être moins pertinent, mais j'ai trouvé quelque chose de bien intéressant ici, puis je me demandais si, en fait, vous êtes des tellement amis que vous faites de la télépathie comme des jumeaux. Oui, assez intense. C'est fait que j'ai un poster de jumelles qui font de la télépathie ici. J'aimerais ça que tu me le tiennes. Avec plaisir. Ça, c'est le modèle. C'est le quiz fest ici. Si vous faites de la télépathie, vous allez pas être des sorcières, vous allez être des jeunes Ariel. Live and Maddie. Merci. Okay. Il y a comme un Je vais vous poser une série de questions. Vous pouvez répondre ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est non. Si vous êtes d'accord, c'est oui. Okay? Première question. Alors, vous avez l'habitude de vous présenter dans des endroits habillés à peu près pareils. Bon, c'est oui. Dans le même genre. Si une de vous deux trouve quelque chose de drôle, l'autre va trouver ça aussi drôle. Il y a des chances. Il y a des bonnes chances. OK, on va cocher. C'est bon. J'ai peur de voir le résultat. Vos plus grosses chicanes arrivent parce qu'il y a des petites incompréhensions. Oups! T'as pas tombé sur... Non, pas ben même, c'est on non. On n'est pas ben okay. Même fille. C'est non, mais c'est correct. Non, non, mais... essaye-toi pas. Vous pouvez pas répondre oui à toutes. Sérieux, là... Pour du monde qui joue depuis longtemps ensemble, on s'est jamais chicané. Je fais du bois. Zéro. Fuck all, là. Depuis. C'est ça. Je te dis. Moi, je sens la force. Elle est forte, là. Toi et ton ami, vous finissez toujours la phrase de l'autre. C'est cute. Ça. Non, pas remarqué. Oui. Ouais, ok. Peut-être Fair plus Daniel puis Brian. Tout dit non. OK, on va dire plutôt non. Quand il y en a une des deux qui va pas bien, ben l'autre la prend à part puis il demande qu'est-ce qu'elle a. Ouais, souvent je reçois un téléphone, ça va-tu? J'ai pas de nouvelles. T'es ouais. pas sur Facebook ouais. aujourd'hui, ça va pas. Là, ils ont dit oui, là. Ouais. Non, c'est un peu plus clair. Voilà, c'est ça. OK? Quand il y a des arguments entre les deux qui s'échauffent puis tout, ben vous réussissez quand même toujours à vous pardonner puis ça va bien. Ben oui. Ben oui. Ça marche. C'est pas parce qu'il n'a jamais eu... J'ai il en reste pas long, là. Tu t'es encore ami avec. Oh. En tout cas, ça a l'air... Non, quand on chicane, on n'arrive jamais à s'entendre puis on se parle plus jamais. C'est très scientifique, OK? T'as pas peur de dire à l'autre quand t'es pas d'accord avec elle. C'est normal. Ouais. Ouais, OK. Vous avez tellement de jokes que vous comprenez entre vous deux, hein, puis les autres font comme... ils parlent tellement un langage genre que les autres parlent pas, là. Qu'on peut prendre ouais. oui comme oui. oui, OK. On accepte le oui, là, oui. Vous deux, vous appartenez aux mêmes activités, aux mêmes clubs, genre, vous faites tout le temps les mêmes choses. Oui. Ouais. OK, des fois, quand tu apprends quelque chose sur ton ami, ben, tu l'apprends quand elle t'envoie un Snapchat ou... Je comprends pas, c'est peut-être que vous comprenez pas. Non, je ne connais pas celle-là. On aurait pu dire un fax, peut-être? Un fax! Il faut t'apprendre des choses, ton ami, quand t'envoies un pigeon voyageur. C'est ça. Hein, c'est ça. Michel, est-ce qu'on l'accepte? On l'accepte, c'est un oui qu'on dit. On l'accepte. Bruno, il a pas l'air sûr. Je sais pas, moi, je viens tout juste de découvrir Snapchat là, à cause de ma blonde danoise. Ça, c'est oui, date, c'est des photos tout nues, voyons. C'est pas, oui, c'est facile. Et pouf, elles disparaissent. Toi, t'as juste à voir l'autre, puis tu le sais exactement comment qu'elle se sent. Oui. Oui. Ah, faut que t'allises, faut que t'allises. You picked totally different electives, so you don't have a lot of classes together. Ouais, non. Non, ça s'applique pas. C'est quoi ça? Vous répéter la question. Ah oui? Non, mais c'est parce qu'ils sont pas aux études, donc on ne peut pas utiliser ça. Non, ça marche pas, ça se passe à l'école. Ça s'applique pas. Ça, c'est une question qu'on enlève. Ouais, en tout cas. D'accord, ben je vais faire le calcul. De façon très scientifique. De façon très scientifique, en fait, s'il y a des cas de couleurs pis tout, là. Pendant que tu comptes ça, je vais lui poser une question. Mesdames, est-ce que ça a tout le temps été d'actualité, des revues comme ça? Est-ce que vous avez déjà été fan de ça? Ben, les revues hard rock dans le temps, là, mais à cette heure, il y en a tellement plus. Moi, je t'avoue que les trucs, non, j'achète pas nécessairement des revues de filles, on va dire. Là, que... Bien dit, c'est drôle à eux autres que je pensais. Est-ce qu'il y a des revues de sorcières qui valent la peine? Parce que des fois, il y a des revues de... Non, c'est... La potion 13. Ouais. Tu peux aller sur mon site internet, il y a des potions. Elle est pas sur son site internet. Ça, c'est quoi? Tu veux apprendre au monde à devenir des sorcières pis tout? Non, mais il y a une couple de petites potions intéressantes sur mon site. Moi, ça risque de te faire rire. Je me demandais, potion 13, c'est-tu parce que les 12 premières ont pas marché? Non. OK. Non, c'est une question. Parce que 13, c'est un chiffre significatif. Ah oui. Okay. Ça me fait penser à dans bien des sociétés, ça représente la dope. Dans d'autres, c'est autre chose. Ça me va. Comme les 13 doigts de la main. Je vais y aller avec mes résultats qui sont super. Hein. Vous cotez tellement fort que à ce moment-là, je pense que vous êtes plus du côté Charles Xavier télépathie. Genre, c'est à peine si vous n'êtes pas explosé le cerveau de l'autre tellement que vous connectez ensemble. C'est bien ça. Je pense que le test a donné ce que toutes les filles voulaient entendre. Exactement. Hein, c'était pas mal l'effet Barnum. C'est ici. Ça. Hey, pour finir, j'ai trouvé c'est un tatou qui est comme vraiment imbécile, mais qui accote pas mal genre ceux que tu t'es fait. Puis c'est un tatou qui est écrit « Be here ». Soit dans mon cœur. Non, non, hein. Soit dans mon pectoral. Ça fait pas tout à fait. Ouais, ouais, ouais, pas loin, en tout cas. Be-ear. Tiens, repogne, c'est qui Ed Sheeran? Y'a-tu quelqu'un qui le sait? C'est un roux sympathique. Partout, avec un, on va le regarder. C'est un roux sympathique avec un petit air coquin. Comme un poster boy que j'aimerais ça. Ouais, mais est-ce qu'il fait quelque chose? Il est sur des posters. C'est un acteur? C'est un chanteur. Ok, c'est un chanteur. Ok, ben décalisse. Merci. Tommy Colin-Vallée, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous en avez découvert sur votre relation? Un peu. Ouais. Pour des sorcières que vous jouez pas à Magic, ça me déçoit un petit peu, en tout cas. Fait que je pose plus de questions. On joue pas, nous autres, on le fait pour vrai. On a joué à Ouija Noël passé pour appeler l'esprit de Noël. Seriez-vous game de venir jouer à Ouija avec nous autres à l'Halloween? Parce que des fois, on joue à Ouija à radio pour essayer d'avoir un esprit pis tout. Mais ce sera peut-être pas l'esprit de Noël. Moi, j'ai tout le temps dit pour que ça marche à Ouija, il faut le plus possible être une petite fille de 14 ans. Peut-être, oui. On n'est pas équipé pour ça, pas en tout. J'ai ma fille. Ah, ben, ouais, elle pourra pas rentrer. Je veux dire, vous êtes déjà pas mal plus proche d'une petite fille de 14 ans que moi et Bruno. Ça. En tout cas, merci à vous deux. Georges, s'il te plaît. Oui. On passe. Là, c'est le bout que vous chantez deux chansons. C'est ça. Avant, j'aimerais ça que tu me parles de votre lancement au Patrovis. Le lancement au Patrovis, comme vous pouvez voir sur l'affiche que les gens qui l'écoutent à la radio ne voient pas, aura lieu le 25 mars. Oui, c'est seulement 10$. Ben oui. Ouais, merci, une réaction. C'est quoi, c'est votre deuxième album? Ça? Non, c'est notre premier album. Oh. Le premier vrai album avec un vrai son professionnel et tout. OK, le projet d'école. Ouais. J'aime enfin, ça. On espère. Puis là, ben, vous allez nous jouer deux chansons. Deux chansons de l'album. Et je tiens à dire que Tommy fera l'animateur à cette soirée. C'est vrai. Donc les gens qui ont envie d'être là pour voir Tommy. Et Mateluna. Et Mateluna, bien sûr. Ou Mateluna et Tommy. Ben, venez, c'est seulement 10$. Il y a Tempête en première partie et Van Hoo. Incroyable. On écoute Mateluna pour deux chansons. On vous revient à 70%. Merci. On n'a pas de passer ce soir, donc j'ai profité de l'occasion pour dire que sa fille et que Francis est renvoyé. Connard, il a préféré travailler et faire de l'argent. Bouh, bouh pour Francis, bouh. On va le réengager pour le lancement, mais n'oublie pas. Fais Francis, en l'honneur de Francis, notre ancien bassiste. À la banque dans ses temps libres, il jouait de l'or, il écrivait des histoires macabres, pleines de fantômes et de canards. C'est un jeune homme solitaire, un romantique sous sa terre, mis en robe antisociale, rêvant d'amour et d'idéal. Rêvant d'amour et d'idéal. Bien qu'à son aise par la routine, manquait de présence féminine, son travail repoussait les dames, du moins toute seule et en finale. Parmi de la vie, de dur labeur, de cette vidéo, mais peur, tout au fond du frigidaire, du sentiment de la chair. Dont j'en ai pas dû l'animer. Pour tout ça qui veut le séduire, si ça vous n'avez qu'à mourir. Mourir, mourir, mourir. Francis tombe partout amoureux. La jeune femme aux yeux vitreux, à la pompe marquée de bleu, au poignet la série de vin. Quand il la vit dans son linceul, lui faire le plus doux des singeuils. Tant qu'il tremble comme une feuille, sous ses paroles souffle pervers. Pervers, pervers. Le frère de ma bébé, on va le faire du même. Toutes celles qui veulent le séduire, c'est celles qui n'avaient qu'à mourir. Mourir, mourir, mourir. Une fois le travail terminé, il l'invite à prendre le thé. Juste histoire de discuter. Plus et bien qu'elle fût un peu timide, elle s'est vite contrainte d'accepter la chaleur de son maîtresse et la salive de ses baisers. Il l'étendit de tout son long et la détendit chuchotant les paroles d'une chanson qui lui chantait sa maman. Se reposant, mon contre pour le jeune homme, encore pour riche, exhalé, tu vois la tête, et son sourire le plus grand, le beau casse à la plus vieux film. Luna, mesdames, messieurs, c'est fabuleux. On les voit bien entendu au Patrovis le 25 qui s'en vient. Ça va être un très bon show. Sinon, bon, on est rejoint sur scène par l'autre moitié du quatuor, Simon-Pierre et Brian. Salut, salut. Salut, ça va? Ça va bien. On peut les applaudir. Oui. Vous avez laissé les dames d'abord, mais vous jouez pas plus à Magic. Non. Ok, c'est bon. Êtes-vous comme des sorciers? Vous avez été charmés, vous autres. Êtes-vous comme des pantins qui traînent partout? C'est à moi de répondre. Hein? Non. Ah ouais, t'as, pas du tout. Ben. Mais tu sais, eux autres, ça a l'air qu'ils s'argumentent pas à rien. C'est parce que c'est toujours notre faute à nous autres. Ouais, quelle surprise. Sinon, t'as-tu une anecdote de tournée? Moi, j'aime tout le temps ça, ces affaires-là. Là. Qui c'est qui perd, genre, en dormant? Non. Ça doit être lui, il sait pas. C'est la chanteuse. Il utilise son miroir. Sinon, ben, qu'est-ce qui s'en vient, là, à part le show mercredi, là? On a un autre show. Le 21 avril, encore au Catacombe, mais c'est un, comme un party. On a une autre band avec nous autres, la band à Marty, puis Ted. C'est bon, c'est bon. Killing Unit. Ça te fait pas peur des noms de bandes de même? Non. C'est bon. Anyway, au catacombe, tu peux connaître à peu près tout le monde. Ouais. Ils vont y rentrer, puis t'as-tu comme un tab qui run depuis une couple d'années? Pis tout? Non. Okay. Parce que moi, j'aime l'idée de t'arrives, ils font ça dans les films tout le temps. Hein. Il arrive au bar, puis il dit une bière. Puis là, le gars, il amène une bière, mais tu sais, voyons, non, ça arrive. On peut faire ça en allemand, d'ailleurs, c'est ça. Ah, toi, t'es un buveur de russe. Ouais, penses-tu que ça veut dire quelque chose sur ton intérieur? Ou? Non. Ouais. Peut-être. Il y aurait des tests à faire, t'es bien open. Sinon, ben toi, Simon-Pierre, ça fait combien de temps que t'es dans le band? Ça fait depuis 2008. Colle ça sur ta bouche, je pense. Ouais. Ouais. Depuis 2008? Pas fait que t'es arrivé six ans après le début. Oui. T'es le dernier rentré. J'en ai remplacé plusieurs. Ouais, hein? Puis là, toi, tu t'offres depuis? Oui. C'est quoi, t'es au drum, genre? Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qui aide le plus avec les filles. Je sais pas. Je connais pas les statistiques. Okay. Mais toi, ça t'aide-tu avec les filles? Ben, oui. On les salue. Yeah. Non, mais j'ai une blonde depuis longtemps quand même. OK, depuis avant que t'étais dans le band ou? Non, après. Ah, tu vois, ça l'a aidé avec les filles, en est-il, là? Ah, je savais pas que ça avait compté. Ben, voyons donc. Sinon, ben, êtes-vous des fans d'Internet? Ouais. C'est si je vous parle de Psy, tu sais, la toune là, qui jouait partout dernièrement, là, c'est quoi déjà? C'est Gangnam Style. C'est ça, c'est Gangnam Style. Ça me dit quelque chose, cette toune-là? Moi, je sais. Non? Est-ce qu'on. Ah, ben, sinon, le Barbie's Resto Bar Grill, vous connaissez le jingle? Mais j'aimerais ça, on chante le jingle de Barbie's Resto Bar Grill, tout le monde ensemble, OK? Comment, sois à l'aise, sois à l'aise. Est-ce qu'on voit rien? Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin, toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Oh Barbie's. Il suffit de se donner rendez-vous. Hein? Ben oui, il y a un deuxième couplet. Il y a un Extended Edition. Imagine, le jingle score tellement qu'on veut un encore. C'est capoté, ça. Il va falloir que je m'informe là-dessus. Ben. C'est quand même... Hey, vous avez vraiment été mauvais, les gars. Là. Merci. Ouais, c'est ça. Hey, on va continuer l'émission. Vous restez avec nous autres. Vous parlez quand ça vous tente. OK. C'est ça, c'est bon. T'es à l'aise? Non, non. OK. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Ben, je m'appelle Denise Trudel, je suis la mère à Israël. Je suis au monde à Saint-Bruno-de-Guigue, un petit village dans le Témiscamingue, et j'écoute 70%. À soir, en tout cas. Georges, s'il te plaît, amène-nous au prochain chroniqueur. Et voilà. Hey, merci, Mathé Luna, de toute beauté. Jesse Spencer, pour une première fois. Allô? Tu peux enlever le micro si t'es plus à l'aise. Tiens, collé sur ton menton, comme ça, on va tout le temps savoir le même bruit. OK. C'est ça. OK, on entend comme ça. Okay. Oui. Moi, je suis venue avec absolument aucune préparation. Oui. Mais je suis venue pour vous parler des dick pics. Les unwanted dick pics, ces fameuses photos... que les gars aiment bien envoyer pour toute ou aucune raison. C'est un phénomène qui touche beaucoup de gens, beaucoup de filles. Surtout, oui. Oui, oui. Ben, bonjour. Ben. Puis, je voudrais en profiter pour donner un conseil justement tout de suite pendant que j'y suis. Demandez-le avant. À moins que ça soit déjà comme une entente mutuelle que vous ayez à la base, demandez-le. Ça va éviter beaucoup de malaise ou beaucoup de screenshots qui vont s'en aller sur Facebook. Sur le Facebook. J'ai malheureusement pas de matériel aujourd'hui. Si je reviens, je vais en avoir. Sont vraiment déçus. Non, mais c'est. Tu veux dire de matériel, c'est une photo de. C'est-tu un slang de pénis? Elle a dit matériel, mais. Matériel! J'ai vraiment compris Nathaniel, là. Non, j'ai pas de matériel avec moi. J'aurais dû avoir plein de screenshots pour vous montrer. Bon, on peut imaginer c'est quoi ça a de l'air, là. Mais je parle pas nécessairement que de la photo, parce que c'est quand même assez rare que la personne va tout simplement drop une photo de sa graine comme ça, vraiment genre aléatoirement. C'est comme quand on louait du porn puis qu'on louait deux films par rapport au dos pour qu'on pensait que ça fasse plus subtil, genre. Oui, ils vont mettre un peu comme des préliminaires puis tout, ça sert pas à grand chose des fois, mais c'est justement les préliminaires et ce qui suit la photo des fois qui peut valoir la peine d'être screenshotée plus que le pénis en tant que tel. Ok, je comprends. La joke existe beaucoup plus quand le gland est un petit peu moins là. Je sais pas, je trouve. Ben, je dis ça de même, là. Toi, tu parles du build-up, là. Oui, le build-up, mais la finale, c'est le gland, là. T'sais. Ouais, mais des fois, il va y avoir quelque chose après aussi. Ouais, un malaise, des choses. Ah, ben ça, oui. Ça, c'est les résultats de la performance artistique. Performance artistique, il y a. Ben, t'as jamais vu mon pénis pour dire ça. Non, mais ça continue de rentrer de toute façon. Ça se peut que je le reçoive à un moment donné. Genre, mais là, toi, t'as déjà reçu des photos de pénis. Oui, quelques-unes, je dirais. Plus que, ouais, trop. T'as-tu comme un wall chez vous? Ouais, c'est ça, t'as-tu comme un folder sur ton ordi? J'avais vraiment beaucoup de screenshots de les personnes des choses que les gens me disent. Et que je me suis traitée de pute parce que je voulais pas voir ça, parce que c'est la définition d'une pute, c'est de pas vouloir que choque quelqu'un après avoir eu sa graine. Tu sais, j'en suis aussi déjà fait envoyer une parce que j'ai pas répondu et il m'a dit: t'es qui pour pas me répondre? Ben voyons donc. Ben oui! Non, écoute ça, je l'ai mis sur Facebook et je me suis malheureusement fait bannir pour ça parce que j'ai pas été assez rapide pour effacer le nom et la photo de la personne. Et j'ai un peu demandé aux gens d'aller l'écœurer gentiment, non gentiment, à leur façon. Je suis quand même bien backée sur Facebook. Oui! C'est con à dire, mais oui, s'il y a des gars qui arrivent et qui essayent, juste des cons qui passent par là, oui, je suis backée pour ça, tu sais. Malheureusement, ça m'a mis dans le trouble cette fois-là, mais bon, c'est mon seul problème. Mais oui, ils ont toutes sortes de raisons de vouloir m'envoyer des photos comme ça. Fait que oui, j'en ai reçu plein parce que c'est comme c'est ça. Ouais, exactement. Écoute, même via Instagram, je sais, c'est pas uniquement sur Facebook. Depuis que la messagerie instantanée existe sur Instagram, il y en a qui en profitent pour envoyer des photos de leur graine aussi. Ben oui, c'est puis bon, tu peux mettre des beaux filtres. À quoi? C'est ça! Okay. Non, puis j'encourage un toujours beau les gens. Un beau low-fi sur ta graine, là. Mais la fin, c'est pio! Tu peux pas comme renvoyer, non, même pas. Tu sais, souvent, ils vont souvent prendre quelque chose à the scale, là. Comme un rouleau de toilette. Ah, comme un papier de cigarette ou. Ouais, un rouleau de papier de toilette, un rouleau de whatever. Il prend quelque chose pour comparer. Un 25 cents, tu le mets dessus, tu sais. Ça aurait des choses au clair. Mais, attends, Est-ce que, admettons, une dame ou un homme qui reçoit une photo de pénis non désiré, est-ce que toi, t'es passé au travers de ça plusieurs fois? Est-ce que tu t'offres comme personne ressource? Quelqu'un qui reçoit peut-être un dick pic puis qui a besoin d'en parler, est-ce qu'il peut écrire à Jessie? Ben totalement, mais totalement, vous pouvez m'écrire si jamais vous sentez une pression, que vous savez juste comme pas trop dealer avec la situation de recevoir un pénis. Ouais, ben c'est ça ma prochaine question aussi, c'était: est-ce que tu veux qu'on t'envoie la photo pour tu sais, comme pics or it didn't happen? Well, non, c'est pas nécessaire, je sais. Ben, elle le demandera. Parce que je veux juste que tu saches que si jamais je t'envoie une photo de graine, c'est pas une photo de ma graine, c'est une photo de graine que j'ai reçue de quelqu'un d'autre pour pouvoir t'en c'est parler. C'est juste l'information, c'est ça a besoin d'une personne tierce. Exactement, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Donc, pour une première fois, t'es-tu rendu au bout de ton affaire? Je sais pas, ça fait combien de temps? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. On est rendu vers ben, la fin, là. OK, ben de toute façon, c'est éventuellement sur ce produit, je vais arriver avec quelque chose de plus préparé, du matériel, comme comment aborder, comment ne pas aborder, si jamais ça se développe, quoi faire, quoi ne pas faire. Je vais faire... Réagir au pénis, les trois étapes. Là. Oui, et surtout pour les filles, surtout ne renvoyez jamais une photo de graine, même si c'est une autre personne. Ou à l'avoir, renvoyez jamais rien, parce que vous savez pas si vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va se dire « Ah, elle m'a envoyé une photo de sa graine, je vais effacer la mienne, puis je vais la report pour photo indécente, non désirée, parce que oui, c'est possible. » Ça t'est déjà arrivé, ça? Ben non, j'ai pas fait ce gaffe-là, moi, je suis pas sûr, j'ai expérimenté, en tout cas. C'est ça. Moi, ben, je vous laisse là-dessus, merci beaucoup. Merci, Jessie, va t'asseoir. Quand même, hein? C'est un phénomène assez récent, ça. As-tu eu des groupies, toi, dans... Ça m'a déjà arrivé que les filles montent sur stage pour me donner des becs. Perdre le contrôle pis tout, là. Laissez-moi avec mon charisme derrière, arrière. Ben, c'est quand même plaisant. Ben oui. C'est pas pareil pour un gars comme pour une fille. Tu sais, les gars, on en reçoit tellement pas souvent les compliments, là, que quand ça arrive... Parle pour on toi. Est content. Et voilà. Merci, Brian. Allez, on est prêts pour la suite, messieurs. Merci, Valérina. Gaëlle, directement de Verdun. Je sais pas si c'est un secret, puis t'aimes mieux que j'en parle à personne. Ben, c'est mal fait. Vas-y, jase-nous. Bon, écoutez, pour ma chronique, j'ai décidé de vous parler d'un sujet sérieux. Je sais que ça va faire un fret dans la soirée. J'ai parlé à Tommy, j'ai dit, écoute, tu vas parler de ça. Il m'a dit, écoute, vas-y. Même tu nous avais amené une trame sonore à mettre en background. Ouais, là, tu veux me voler un punch, par exemple. Mais... Ah, j'aurais dû fermer ma gueule. Merci, Tommy. Donc, c'est ça, ce soir, je vais vous parler de bowling. Yeah! Alors, si on monte aux origines, le principe a probablement été inventé par un homme des cavernes. En tabarnak, de ne pas avoir pogné de mammouth. Que du crisser une roche par la tête de sa femme qui est tombée rien de morte. Toujours en tabarnak, mais voyant qu'elle se relevait pas, il a demandé à son voisin de la relever pour y crisser une autre roche dessus. C'est là qu'a été inventé le principe de l'abat et du carreau vert qui était nommé fracture du crâne à l'époque. Donc, au 4e siècle, dans les monastères en Allemagne, on jouait à la version très de base une boule de quille. Donc, la quille représentait le démon. Fait que si tu la battais pas, ben, t'étais de son bord. C'était crissement stressant, moi, dans ce temps-là. Dans les années 1400, le jeu de quille était un jeu pour la noblesse, la royauté. Dans ce temps-là, le bowling, c'était une façon de faire chier tes chums qui étaient moins riches. Genre, ah, tu joues pas au bowling, esti de paysan. Même Mozart, ben, c'est quille. D'ailleurs, on entend en ce moment la toune. Trio des quilles de Mozart. Effectivement, Mozart a dû signer beaucoup de boules. Le jeu tel qu'on le connaît a été inventé aux États-Unis dans les années 1800. Déjà à cette époque-là, tu voyais le goût des Américains pour bombarder du monde sans défense. Ben, je pensais qu'elle allait pogner plus que ça. Le jeu gagne en popularité et devient associé à un jeu d'argent comme le blackjack. D'ailleurs, pour contrer son influence toxique, l'État du Connecticut a voté une loi anti-bowling en 1841 qui stipulait, et je cite, « interdit de jouer à tout jeu de 9 quilles ». Tu sais qu'il y a des lois plus faciles à contourner que d'autres? Jusque-là, les salons de quilles employaient des requilleurs pour placer les quilles. C'était une job comme une autre, ça permettait à les familles de vivre leur rêve américain puis de vendre juste 2 de leurs 8 enfants pour survivre. Mais en 1950, tout ça a changé. à cause d'une compagnie, la American Machine and Foundry. Compagnie qui fabriquait des skis, des avions, de l'équipement de plongée, des réacteurs nucléaires et des machines à pain. C'était toute la même compagnie qui fabriquait ça. Donc si ton pain était fluo et qu'il faisait fondre ton toaster, ça avait été où le problème? Cette compagnie-là, AMF, décide de commercialiser la première machine automatique de replaçage de quilles. Vous savez, celle avec les ficelles qui restent jamais une fois sur deux? C'est celle-là. Et à cause de ça, tout le monde perd sa job et il ne peut plus acheter de pain fluo. Dès que le bowling s'est ramassé à la télé les années 50, sa popularité a explosé. En 1961, ABC présente le championnat de la Pro Bowling Association. Les codes d'écoute sont faramineuses, dignes d'un Super Bowl. Mais entre Cleveland puis Jacksonville, mettons. Les propriétaires de salons de quilles qui ont le vent dans les voiles en profitent pour lancer des soirées thématiques style rock and bowl. Ça, c'est des soirées que tu fais comme « Ah, si tu l'es plate, je vais aller jouer aux quilles. » Et des années plus tard est venu le fameux bowling cosmique qui a été inventé par un gars qui cherchait une façon de jouer aux quilles sans son beau-frère épileptique. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de personnes qui jouent au bowling dans le monde, puis c'est compréhensible parce que ça conforte le tueur de masques qui sommeille entre nous autres. Pour vrai, combien de fois après un abat vous vous êtes dit « sont toutes morts les tabarnaks » Moi, à chaque fois. Moi, ça, jamais. Non, laisse faire ça. Écoute pas le monde qui comprenne pas que c'est une performance rhétorique. T'as raison, Bruno. Okay. Je vais essayer de faire... Elle était même pas préparée, elle, en plus. Alors, le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il y a environ 4 fois plus d'hommes qui jouent au quilles que les femmes. Et pourtant, c'est un mystère parce que je considère que le bowling, c'est le jeu le plus féministe au monde. En effet, il n'y a pas grand place où tu peux prendre un ovule et la garrocher sur des spermatozoïdes. Merci. Ouais. Merci, Gaël. Un ovule, hein? Il a vu des métaphores. Il a fini avec une métaphore. C'est couillu, ça, quand même. C'est une bonne première chronique. C'est quoi qui vous fait le plus peur? Ah ouais, donne ça à Simon-Pierre. Vas-y, vas-y. Être enterré vivant, les serpents. Être devant une foule et me faire poser une question à laquelle je m'attends pas. Ah ouais, hein? être embarrassé. Oui. Oh ben là, bon. Comment là, on peut arracher des bras puis enlever des ongles. C'est moins pire. Ah ouais, hein? OK. Je pense que tout le monde te respecterait en esti si tu t'arrachais un ongle avec tes dents, en tout cas. Pense à ça. Non, c'est pas vrai, je veux te garder. En plus, t'as des shows qui s'en viennent pour que les doigts ça serve, hein? Oui. C'est ça, hein, les doigts de... T'es-tu prêt pour le prochain? Parle à mon husband, puis dis on est prêt pour le prochain husband. On est prêt pour le prochain. Moi, j'aurais continué comme ça, hein? Fais ta chronique en chantant. Merci, c'est Maté Luna. C'est Maté Luna, Nasty. Hey, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Salut Marianne. On va l'avoir, il va tenir. Ah, ok, comme ça, c'est comme ça que ça marche. Excellent. Hey, vous allez bien ce soir? Oui, on a déjà répondu. Hey. Wow, vous êtes heureux? Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh! Ah, moi aussi. Parce que je suis ici. Mais oui, mais... Hey! Ça fait partie de la réponse. C'est ça. Non, c'est ça. J'écoutais parler du bowling cosmique. Là. Il y en a un sur le boulevard Tachereau. Hein? Boule-tache. Boule-tache! Il est beau, il est superbe. C'est, il ferme bientôt. T'es-tu sérieux? Oh, prophète de malheur, il ferme bientôt. C'était annoncé cette semaine. Ben oui, le monde aussi ont changé. Hein. C'est plus vraiment le LSD, c'est rendu le speed et la MDMA. Ça se vit mieux chez soi qu'au bowling, je pense. Voilà, tout est là. Hey, non, mais je suis là quand même pour vous parler de boules. Hein? C'est. Ouais! Yeah, yeah! Des tontons! Mais non, c'est ça, parce que Tommy, c'est bientôt la journée de la femme, hein? C'est vrai. Et le 8 de mars. C'est vrai. Yes! Et justement, j'écoutais les demoiselles tantôt parler de sorcellerie. Tu sais, tu demandais un truc simple pour savoir si c'est des sorcières. C'est pas compliqué, Tom! Tu leur attaches les pieds, les mains, tu mets une roche au bout des pieds, tu sacs ça dans le fleuve. Oui. Puis si ça cale, ça veut dire qu'elles étaient honnêtes. C'est vrai. Puis si elles s'envolent, ça voulait dire que c'était des sorcières. Hein? Fait c'est que, simple. Tout étant l'un dans l'autre, on se rend compte que ça baisse la population de toute façon. Hein? C'est un test qui donne des résultats 100% du temps. Ben non, c'est ça. 100% du temps. Effectivement. Mais tu sais, c'est d'ailleurs, ça me rappelle une histoire où est-ce que j'ai appris dans une de mes vies antérieures, j'avais été la mère Marie. Hein? Ça, c'est une des choses que j'ai appris. Mais j'ai aussi appris que j'ai été sorcière dans une autre vie. La fille me l'a appris en me disant « Hey, Marianne, tu sais quoi? » J'ai dit « Mais quoi? » Elle me faisait un peu peur, elle avait l'air un peu creep. Elle me dit « Je t'ai connue dans une autre vie. » Je dis « Ah ben oui, comment ça? » Elle dit « J'ai brûlé sur un bûcher. » Je dis « Eh ben dis donc, ça va bien, hein? » Elle dit « Pis t'étais avec moi! » Oh. Fait que je suis une de vous autres six. Hein? Dans une autre c'est vie. C'est ça que ça veut dire. C'est, ouais, c'est... Est-ce que ça passe un test? On t'attachera des roches après les pieds, on va voir. Ça va le test. Ça va le test. Écoute, on est là puis on parle de la journée de la femme. T'sais. Moi, je parle des influences aussi. Parce que quand on est tout jeune, on va choisir notre modèle féminin quand même assez tôt. Hein? Moi, je suis passée par Anne au pignon vert à aller jusqu'à Xena, la princesse guerrière. Tout le monde connaît. Ben ouais. Ah, mais il faut se rappeler, hein, quand même. T'sais, cette Xena, outre que d'être un téléroman, on pourrait dire qu'elle est pratiquement lesbienne. Parce que non, ce n'est pas vrai. Gabrielle et Xena n'étaient pas lesbiennes. Ben en tout cas, ça n'a jamais été prouvé. À date. Jusqu'à date. Il y a eu 6 saisons pour le faire. On l'aurait su à quelque part. T'sais, hein? Mais t'sais, outre que d'être intelligente, débrouillarde et indépendante, c'est Xena possédait quelque chose d'extraordinaire. Et c'était l'amitié de cette Gabrielle. Hein? C'est pendant 6 saisons de temps, c'est rien des de ce qu'on parle. Belles boules aussi. Hein? Non, mais ça, c'est du cleavage. Ouais, il y en avait au pied carré hein, dans cette histoire-là. Mais toujours est-il qu'elle avait cette Gabrielle, cette amitié extraordinaire, qui vont tenir pendant 6 saisons de temps et même plusieurs fois au-delà de la mort. Hein? D'une main, ça maudit les dieux et de l'autre, ça crisse des volées. C'est la belle époque. Il faisait des beaux costumes, hein, quand même, à cette époque-là. Ouais, ouais, je pense que Xena, ça a pogné beaucoup à partir de la deuxième saison. Là. Ouais, quand et même. On dit, tout le monde aime ça, les tendances lesbiennes puis le cleavage. On non, va mettre ça, du cash là-dedans. Là. Il y a eu quand même une belle finale à la saison 3. Il y a eu des explosions, même. Je pensais pas que les années 1200 pouvaient exploser de même. C'est quand même le fun, tu sais. Puis, outre ça, ben oui, c'est ça. Moi-même, j'ai trouvé ma Gabrielle, hein, ou ma Xena, hein, comme on le voudra. Ça fait déjà plusieurs années, 5 ans, que je compose des chansons de Gary Cheese avec elle, hein. Tu parles de Crotte Renée, là. Moi, je parle de Miss Renée qui est juste là. Allô, Renée! Hey, d'ailleurs, on va revenir la semaine prochaine pour être en house band. Ben oui, vous allez être le house band. Yeah! T'es content? On va vous faire la chanson du mois de marche, entre autres. Le mois de marche, hein, on le rappelle, c'est le mois de marche, c'est le mois du gel et du dégel. Faites attention dans les escaliers, ça marche! Ouais. Yes, ben écoute, je vais terminer en te racontant cette anecdote. Écoute, on a... En chantant des chansons sur les grilled cheese, il nous arrive des trucs complètement farfelus, t'sais, comme de faire un show Saint-Jean en chantant des tunes de Noël, par exemple, t'sais, ou des trucs comme ça. C'est vraiment le fun, mais une des belles expériences que j'ai eues, ça a été quand je nous ai inscrits, deux folles et un banjo, à un concours. Hein? On s'est pointé là-bas, puis il nous est arrivé une des histoires les plus absurdes, je vous le garantis, mesdames et messieurs. On est en 2017, et ça s'est passé. Pour de vrai. Ben, voulez-vous que je vous la chante? Ah! Oui! Ouais, ça sera pas très long, mais tu sais, une belle expérience, quelque chose de beau, là. Hey, merci les girls! Yeah! Woo! C'est un petit message de tendresse. Alors, allons-y. Ooh. calice. Namasté. Qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est quoi, c'était Shy Booze? C'est quoi qu'elle dit? Show your booze! Ben oui, c'est sûr. Ben oui. T'as pas deux pour rien. Tu peux en montrer un, garder l'autre secret. Ça fait ton jardin, tu sais. C'est pas de même que ça marche. Hey, on est prêt pour le dernier chroniqueur. C'est les nouvelles une dernière fois, messieurs. Un sonnet. Awkward French chanson. Ben on est rejoint en catastrophe par notre chroniqueur français préféré, notre ami Cussonnet. Bonsoir. Tous les 5 mars, j'allume une bougie. Je n'ai pas fait d'exception hier soir dans mon grand manoir de la rue Saint-Denis. Il y a 17 ans, le 5 mars s'éteignait une grande dame de la cinématographie française, Mademoiselle Ève Valois. Ça vous parle pas, hein? Normal. Jeune femme en quête de gloire, elle fait des petits boulots de maquina, elle cherche de l'attention. À la boule. Et quelques années plus tard, elle rencontre un monsieur qui s'appelle Eric Vigne, un dealer de dos, qui sera son macro pour toutes les années à venir. Cette femme. Cette femme change de nom en 88 quand elle se marie avec Eric Vigne. Elle s'appellera Lolo Ferrari. Elle est décédée, donc, il y a 17 ans. Grande dame du cinéma français. T'as vraiment le moton, ouais. Pour Lolo Ferrari. Hein. Oui. Tommy Nick les punch, merci. On parlait d'ailleurs de poitrine. Ouais. Exactement, et j'ai appris pas plus tard qu'il y a quelques minutes que c'était la journée de la femme. Le 8, donc... c'est... En tout cas, en 96, elle se fait remarquer au Festival de Cannes avec le film belge Camping Cosmos que j'ai commencé à regarder. Je me suis ennuyé, j'ai fait de la bouffe. Elle y joue un sosie de Pamela Anderson sur une plage belge. Voilà, donc un talent incroyable. Elle se fait remarquer là. Elle va au Festival de Cannes et là, c'est la gloire, tout ce qu'elle aime. Et après, ça redescend. Parce que j'ai pas 20 minutes pour vous raconter la vie de Lolo Ferrari. Et elle présente des émissions, elle tourne des films super chouettes. Elle enregistre Airbag Generation, un vrai single que j'ai pas encore écouté, mais que j'ai grand hâte de le faire. Moi aussi. Non, elle en a sorti plein d'autres en plus. Puis, ouais, c'est la gloire. C'est... Tout le monde a son single. Puis arrive le pic culminant, et là, c'est la chute. C'est. Les striptease, les films pornographiques. Et elle devient la. Quand les médias s'emmerdent, quand les politiques ne font rien de cool, les médias s'emballent et chient sur les petites gens en quête de gloire comme Lolo. Elle a peur de prendre l'avion à partir de ce moment-là, parce qu'elle a peur que ses seins explosent. La différence oui, de pression, j'ai été dans le dark web pour dénicher ce que je vous donne ce soir. Elle est calmée aux médicaments, elle a mal dans son cœur, elle a mal dans son âme. Et le 5 mars 2000, elle décide de mettre fin à ses jours. Mais il semblerait que ce soit son concubin qui l'ait tué. Enfin bref, une sombre histoire. Merci ma chère. Et donc, en hommage à Lolo Ferrari... Et possédant, comme vous le savez, 2 ans d'art dramatique, je vais vous jouer une scène d'un de ses films, Megatits 6, sorti en 98. Ça, par contre, j'ai regardé jusqu'au bout hier. La scène sur le bateau avec 4 hommes. 4 ou 2, je ne sais plus. S'il vous plaît, un petit silence. Je ne peux pas reproduire de la pornographie ici devant vous. Oui, alors bon, il y avait 2 mecs il y a 2 semaines qui ont sucé des concombres, je sais pas trop quoi. Ça m'a moi personnellement j'ai dit. Donc, du théâtre moderne, Cette scène s'appelle la scène du bateau dans Big Tits 6, sorti en 98. Y a-t-il de la place dans cette chaloupe? Y a-t-il de la place pour trois? John, Eric et moi? Oui, madame. Entrez donc. Ah! Où est ma virginité? Où je suis? Qui suis-je? Pourquoi? Comment? Vous êtes beau? Oh, j'ai chaud. Moi aussi, je vais me... Ah, oh, dévêtir, dévêtir, dévêtissez-moi sur la table, comme ceci. Oh, oh, oh, oh. Oh, mais que fais-tu ici, Eric? Que fais-tu avec cette dame sur le bateau? Je t'avais dit pourtant de ne pas inviter quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites, madame? Oh, ah, oh, ah, oh, ah, couchez-vous. Ah, oh, ah, oh. Ah, les minutes passent et je regarde la caméra et je jouis et je crie. Et je crie des fleurs. Le volcan en moi semble monter. Je vais éruptionner dans quelques minutes. Je... ah, oh, ah, oh, oh, ah, double, oh, ah. Attention, ça pique. Aïe, ouïe, ah, ah. Merci. Simon Pissonnet, mesdames et messieurs, c'est un des plus belles hommages qu'on a fait à un artiste sur cette scène à W2.org. C'est à cote ce qu'on avait fait pour Mad Dog Vachon à Canberra. Sacrement de style. All right, let's go, ça va vers la fin là. C'est moi. On a eu un Simon qui sonnait de secours. Merci les gars, Maté Luna de toute beauté. C'était malade. On va avoir une dernière chanson de leur part, mais il nous reste un bloc de nouvelles à survivre. Certainement, un homme de Wise County en Virginie est en état d'arrestation au poste de police de Norton et a réussi à s'échapper et à voler un camion. La police s'est mise à sa recherche et a retrouvé le camion faisant de la vitesse et zigzaguant dans la voie. Les policiers qui menaient la poursuite ont également remarqué que l'homme jetait des canettes de bière vides à travers la fenêtre du camion. Après que l'homme ait réussi à échapper aux policiers, ils ont décidé de suivre la piste de canettes de bière et ont fini par retrouver l'homme au volant du camion dans une entrée privée. L'homme a à nouveau pris la fuite, mais les policiers ont finalement réussi à l'arrêter. Il est à nouveau en état d'arrestation. Petit, c'est auto petit poussé. C'est débile. Avec des calices de câble. Et l'alcool serait encore. Ben, let's go, next! Je pensais pas que c'était nécessaire de le mentionner. Ah, mais tu sais, hein, c'est comme You're Fired, là. Il y a des affaires qu'on aime entendre. C'est vrai. Au Royaume-Uni, la police a dû intervenir alors que les passagers du métro de Londres aient commencé à poser des bagels sur la tête d'autres passagers, chantant « Y'a un bagel sur la tête ». Une vidéo sur Twitter montre un passager fâché lançant un bagel qu'on vient de lui poser sur la tête hors du train. La vidéo montre ensuite des passagers qui se bagarrent. On ne sait toujours pas si les incidents sont reliés. Dans un communiqué, la police a déclaré qu'aucun bagel ne devrait faire face à autant de cruauté. C'est pas faux. Leave the bagels alone, ça. Moi, je dis qu'ils devraient prendre des bagels en plastique à la place. Ça serait moins drôle. C'est vrai. Next. Et finalement, des députés norvégiens affirment qu'ils ont peut-être fait une erreur lors du vote pour une loi controversée proposant des règles plus strictes pour les touristes de santé en Norvège. En effet, il semble que plusieurs des membres du Parlement regardaient le championnat du monde de ski sur leur téléphone et tablette alors qu'ils devaient passer au vote, les déconcentrant et leur faisant appuyer sur le mauvais bouton ou simplement les faisant oublier de voter. La loi a passé à 48 contre 45. Ça, là, c'est débile, là. Il paraît. Moi, je connais du monde qui travaille au Parlement canadien, Puis ils disent, à toutes les fois que t'en vois un qui regarde vers le bas à la Chambre des communes, pendant les communes, il est en train de jouer à Candy, Tinder, il joue à Candy Crush. Ouais. C'est ça qu'il m'a dit, il joue tout à Candy Crush. Il joue à ah, c'est vrai, il joue pas à Tinder. Ben, des fois, là. Ouais, il jouait à l'autre, là. Il joue à Ashley Candy Madison, Crush. Là. Ouais. C'est ça, à Candy Crush. Ben, en tout cas, à un moment donné, ils vont être obligés de bannir les téléphones là-dedans. Que s'ils ont des aides, ils peuvent pas avoir quelqu'un à leur place qui swipe à droite, là. Il m'avait dit que c'était à peu près dans les standards. Messieurs, Brian, Simon-Pierre, on sait qu'il y a un spectacle qui s'en vient mercredi aux Catacombes. Sinon, ben merci d'avoir été avec nous. Vous avez un Facebook qui est bien tenu? Ben oui, les boss, ils s'occupent de ça, eux autres. C'est bon, ok. Ça veut dire si le Facebook est mal tenu, ça sera pas de votre faute. Exactement. C'est enregistré, ça. Sinon, ben, on n'aura pas su si c'était des sorcières gentilles, mais on vous encourage d'aller voir les shows de Potion 13 bientôt. Merci pour l'album, je vais écouter ça chez moi. Merci à vous deux, messieurs. Bruno, c'est un plaisir merci de te revoir. De toute beauté. Ben, avec plaisir, mon gars. On est là chaque lundi, tout le temps. Merci beaucoup à notre house band. Merci aux chroniqueurs. Et avant de vous laisser avec deux vidéoclips de nos invités, je laisse le contrôle à Mathé Luna pour une dernière chanson. Merci. Messieurs, merci. Donc, oui, on ne sera pas le house band de notre lancement, malheureusement. Mais vous pouvez quand même venir pour nous voir en tant que vrai band. On rappelle que c'est le 25 mars au Patrovis. Merci aux douteux. Merci, Tommy, t'es super. Belle cravate. Dernièrement, j'ai été joué dans une convention des narcotiques anonymes. C'était vraiment une très mauvaise idée parce que toutes mes chansons parlent de drogue, dont celle-là. Thank you. elle est mon agonie. Alors pêche, pêche, pêche la vie. Merci les douteurs parce qu'il reste la soirée. Merci pour l'excellent film. Toujours les dragons, un grand classique. Bonne soirée. Ça va trop vite. Alors ici, Guy Nantel, la sympathique équipe de 110%. 70%! Merde, tu vois, je m'étais dit pourquoi je me mets dans... Ça va être la meilleure ouais, pub, ça. Veut dire, c'est celle que vous allez garder. Parce qu'il faut pas que tu perdes ton bonus de sagesse, puis il faut pas que tu perdes ton bonus de constitution qui est dû au nain. Là, il avait comme 143 points de vie, puis il faisait des cures. Mais ce gars-là, il avait jamais de background, parce que c'est un nain, Chris. Fait que là, je dis pas c'est une petite personne, je dis que c'est un nain de fantasy. Puis là, lui, il allait à l'auberge, et là, il y avait un nain, et il devenait membre de l'équipée très folle. Et dans ce film-là, ce soir, au travers de toutes les affaires qui ont calissement pas de bon sens, moi, c'est le nain, mon préféré. Pourquoi qu'il est dans l'équipée? Toutes les questions qui tournent autour de son hache en foam, là, toutes ces affaires-là, ça me touche bien gros. Donc ça, c'est le long métrage. Juste avant, on va avoir l'excellent Milan qui va venir nous faire un set de BJ, comme lui seul est capable de le faire depuis les années 2000X, genre pas 2000XX. En tout cas, je me comprends. Et ça fait longtemps qu'il est là, Milan. Et juste avant, ben, on est très content d'avoir Passion 13 en entrevue avec nous. Mais surtout, ben, en fait, autant. Hein. C'est Mathé Luna qui est là pour faire notre house band. Oui, oui, oui. Je suis tellement déçu. Je suis vraiment déçu. Ben oui, je comprends. Moi et Georges, on a une très belle relation. Hein. John Baptiste, ouais, c'est ça. Sinon, ben voilà, pour commencer cette soirée totalement lubrique et débile, ça me fait plaisir de passer le micro à... comme un tas de poêles, qui a un nom de famille et un prénom. Le gars qui ne veut pas être appelé monologuiste, mesdames et messieurs, JF dénommé, s'il vous plaît. Yeah! Dominique, tout le monde, applaudissez-le. Un tas de poêles. Si moi, ça fait un an que je viens ici bénévolement, un tas de poêles, tabarnak. All right. Quoi? Avec un nom et un prénom. Ouais, aussi. Un nom et un prénom, au moins. Ouais, je suis un peu malade, moi, à soir, j'ai pogné une MTS, couché avec une fille qui avait la grippe, pis non, pour vrai, moi, je fais tout le temps cette gag-là, quand je suis malade, pis je suis pas souvent malade, fait qu'à un moment donné, je vais trouver une bonne twist là-dedans. Non, je suis venu tester une couple d'idées avec vous autres à soir. J'ai parti comme ma soirée d'humour d'Anjou, les samedis de Chillax, pis j'ai starté la page Facebook de ça, pis après comme 4 secondes, t'as juste une madame qui m'a insulté. Puis comme il écrit genre je déteste cette page. Puis j'étais comme what the fuck, c'est qui cette grosse conne là? Je suis allé voir c'était qui, c'était ma grand-mère, man. C'était ma grand-mère, je trouvais ça malade. C'est clair que je mets ça dans ma revue de presse plus tard. Tu sais, on voit ça genre ah quelle plume extraordinaire. Louis-José Hood signé Le Devoir. Moi ça va être la colline des barbes. Monique Boudreau. Ça va être. Ça serait ça. Puis j'arrivais ça qu'elle vienne à ma première. Puis juste quand j'arrive, puis je dis bonsoir tout le monde. Elle est là en avant, bien comme c'est flat! Tu fais honte à notre famille! Avoir su que ta mère t'accoucherait, j'aurais demandé à ton grand-père de m'enculer! J'aurais aimé ça qu'elle fasse ça pour de vrai! J'ai dit ce gag-là, pis ça se dit pas. Apparemment, ben j'ai remarqué que le monde aime ça, contrôler ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, pis moi ça m'énerve ça. Ben, j'ai remarqué que j'ai comme juste le cerveau qui voit les trucs wrong. La vie des fois, comme l'autre fois, j'étais à l'épicerie, puis il y avait une madame qui parlait à un enfant qu'elle connaissait pas, puis elle était comme genre, oh le beau bébé, puis tout le monde trouvait ça cute, puis moi je me disais, fuck, est-ce que la madame c'est une pédophile? Est-ce que. Tu vois, j'ai l'esprit trop wrong pour. C'est où je m'en allais avec cette histoire-là d'avant? Non, c'est ça, je vois les trucs trop wrong, puis moi je trouve que une blague de pédophile, c'est drôle. Un pédophile, c'est pas drôle, mais une blague de pédophile, c'est malade. Moi, ça m'a tout le temps fait rire, une blague de pédophile. Surtout quand j'étais enfant, il me faisait tout le temps rire avant de m'abuser. J'étais excité. Non, mais c'est drôle parce qu'il faut comprendre que, mettons, un pédophile, c'est un monsieur qui viole des enfants, mais ça peut être aussi un symbole comique là-dedans. Mettons, je t'explique ça plus simple que ça. Mettons, c'est une madame que elle a vomi des serpents. Elle appelle l'église. l'église de répond est comme, ok, Satan sort de ce corps. Là, Satan sort du corps. Puis là, plus tard, là-dedans, t'as un monsieur qui est comme, ils sont comme, oh shit, Lucifer sort de ce corps. Puis là, un moment donné, t'as un enfant qui est comme, ah, j'ai mal à l'anus. Ils sont comme, monsieur le curé, sortez de ce corps. Ça, tu comprends, c'est un symbole comique. Là, t'as le droit de faire des jokes de pédophile. Le mot pédophile, ça existe. Ça fâche le monde, mais ça existe. C'est comme, je devrais pouvoir dire, une fois, c'est un pédophile qui voulait rentrer dans la police. Le policier était majeur, le pédophile n'a pas rentré. Tu sais, je devrais pouvoir faire ça. Non, mais le monde dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme s'il y avait juste une façon que ça pouvait marcher. La vie, pis ça, c'est pas vrai. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui a rencontré une fille, puis il trippe au bout avec cette fille-là. Il m'en parle, puis il est comme, cette fille-là, elle est malade, elle pèse sa bouffe. Comme moi, elle fait attention à sa santé, elle s'entraîne. Puis moi, je trouve ça cool parce qu'avec ma blonde, c'est la même chose. Genre, elle fait de la drogue. On a plein de points communs. Non, ça, il n'y a pas juste une façon que la vie marche. Puis il y a trop de trucs qu'on n'a pas le droit de faire comme ça. Mais avec ma blonde, genre, c'est quand même cool. Mais des fois, on se pogne pour des trucs qui se font pas. Comme elle a dit des trucs qui ne devraient pas se dire. Comme une fois, on écoutait des galas juste pour rire ensemble. On écoutait des vieux galas juste pour rire. Puis à un moment donné, elle se lève. Elle s'en va dans la cuisine. Moi, je continue d'écouter le gala, puis je reçois comme une vidéo. C'est comme un monsieur qui coule un bronze, puis il y a du montage, puis ça tombe sur des bébés chats. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. C'est pas un gag génial, mais sur le coup, ça m'a fait rire. Puis ma blonde, elle est dans la cuisine, là. Elle voit que je ris, puis elle voit qu'est-ce qu'il joue à la télé. Puis elle est comme, ah, tu ris à François Mascotte. Là, j'étais vexé. Je suis comme, non, man, je n'ai pas ri à François Mascotte. Non! Ça, ça se dit pas. T'es allé trop loin. Ça, tu vois. On peut pas dire. Un humoriste qui a pas de notoriété comme moi n'a pas le droit de faire des jokes sur un humoriste plus vieux que de la notoriété. Ça, c'est pas drôle. Tu peux pas faire ça, pis c'est pas drôle. Comme Peter McLeod. C'est pas drôle, tu peux pas faire ça. Je vais me mettre dans ma main, tu m'asseoir, je vais. Non, mais. Ah, c'est ça, qui mange la merde. C'est pas grave. Non, frère, après ça, ils disent, inspire-toi de ton vécu. Puis après ça, tu t'inspires de ton vécu, puis ils sont comme, non, pas ce vécu-là, c'est trop violent. Mais Chris, j'ai 23 ans, tu penses que je fais quoi de mon vécu, là? Moi, je joue pas au young, puis je parle pas de pelouse, là, ok? Tu sais, j'ai été victime de racisme l'autre fois, en fait. Ça, c'est une belle histoire. Puis même pas du racisme de blanc, là. Ça aurait fait du bien à mon karma de blanc. Non, il y a une madame qui m'a traité d'esti d'arabe, hein. Je comprends que j'ai une barbe pis tout, mais me semble que tu me parles deux secondes, tu comprends que je suis pas arabe, là. Non, je travaille dans un resto halal, là, il y a une madame qui rentre dans le resto. Non, il y a une madame qui rentre dans le resto, pis elle est comme, si, as-tu de l'alcool ici? Là, je suis comme, non, madame, c'est un resto halal, c'est musulman. Pis là, elle est comme, parle-moi en français, est-ce-tu d'importé? Voyons, je suis comme, mais non, je suis né ici, okay, t'es né ici, mais je le vois dans ton regard d'arabe que tu t'avoueras jamais québécois. Je suis comme, voyons, non. Je suis comme, toi, tu dois faire de l'équitation parce que t'as une culotte de cheval, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Puis là, la madame est comme, retourne dans ton pays. Je suis comme, toi, retourne dans ton pays. Comme, non, moi, je suis québécois. Je suis comme, non, t'es une crise de folle. Là, je m'en vais en arrière. T'as mon collègue qui prend sa commande. Puis moi, déjà, quand je suis à ma job, j'aime pas ma vie. Si tu me fais chier, pis tu me fais du racisme arabe, pis que je vois ta commande sortir, Allah Wakbar, je vais détruire ton sandwich. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait brûler sa viande, mais j'ai laissé le pain super beau. J'ai mis de la poussière dans son sandwich, pis j'ai craché dedans. Pis je me suis rendu compte que j'étais un peu rancunier. Finalement, peut-être allé un peu fort, c'était pas si grave que ça. Non, c'est vrai que je suis rancunier. Comme où que je travaille, il y a beaucoup d'itinérants autour, pis moi, je donne plus d'argent aux itinérants, mais à la place, je deviens super chummy avec eux autres. Comme je leur demande leur nom, puis maintenant, quand ils me voient, il y en a qui me disent bonjour, puis c'est malade. Je me sens comme si j'étais un itinérant qui s'en était tiré un peu. Je me sens. Puis c'est vraiment cool, par contre, il y a des itinérants que eux, c'est des mangeux de mal. Pour rester un itinérant qui m'envoie chier quand tu me demandes 2$, ça me fâche. Juste le goût d'aller voir un de mes chummy itinérants, puis de lui donner 5$. Juste pour que lui, il pète la gueule. Puis à celui qui se fait péter la gueule, je donne 2$ pour qu'il se laisse péter la gueule. Puis, dans le meilleur des mondes, dans un monde parfait, il meurt, puis je ramasse le 2$. Ça, je vais vous laisser là-dessus. Bonne soirée, tout le monde. Avec de l'écho. Bonjour! Bonjour, vous êtes à 70%, c'est clair, changez de poste. Je voulais juste dire que 70% c'est poche. Moi, je suis Classic J du band N.E.W. Puis, on est un mélange de hip-hop français, hip-hop anglais, rock, folk-rock, rapcore. On fait une saveur qui mélange tout ensemble, puis ça donne N.E.W. On se fout de 70%. Aucun projectile sur des êtres vivants, s'il vous plaît. Mais bon, non, moi j'en ai mangé un sur le genou, en fait. J'aimerais juste stouler la personne qui m'en a lancé un sur le genou. C'est le moment de l'encan! Ils sont contents. On va commencer par un lot. C'est un débardeur. Alors, c'est un débardeur Corona. Corona Extra Acapulco, Mexico. De taille XL, mais j'y crois pas. C'est un peu un chandail beden pour un XL, ça. En tout cas. Il est écrit XL, c'est un XL. Ça date beaucoup des années résolument 90. Le monde était moins gros dans ce temps-là. Sur le derrière du chandail, on peut bien sûr voir les trois dernières bouteilles de bière. Écoute, c'est de l'humour, là. C'est de l'humour de bière comme il se fait plus aujourd'hui, là. Comme les t-shirts Humeur Design, un peu, pour ceux qui savent. Pour ceux qui sont nés dans les années 80. On commence ça à 1$? 1$ si je le détruis. 1$ si je le détruis une fois. 1$ si je le détruis deux fois. 2$ si je le détruis. C'est tellement beau qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment au brouhaha. S'il y a quelqu'un qui brise ça, pour vrai, je le détruis pareil. 2$ si je le détruis une... Comment? 3 piastres, tu le sauves. 3 piastres, il le sauve. 4 piastres pour qu'on le détruise. 4 piastres pour qu'on le détruise une fois. 4 piastres pour qu'on le détruise deux fois. 4 piastres pour qu'on le détruise trois fois vendu. Attends, ça va nous prendre le... Ça nous prend le 4 piastres. Que tu... Non, mais on va sous-traiter parce qu'on a un encamp et un film à finir. Là. Fait que, gars, Bruno fait son possible. On peut aller le saucer dans l'ex-suite. Là, faut. Hey, c'est même plus dégainé, mesdames, messieurs. Notre prochain lot. C'est le jeu Les meilleures questions de Scrupule, 10e anniversaire. Le jeu du dilemme moral, que dit le tagline du jeu. Donc, est-ce que vous avez envie de passer des soirées le fun? Achetez le jeu des dilemmes moraux. Vous téléphonez à un ami en pleine nuit. Vous faites par erreur le numéro d'un autre ami. Il répond, la voix ensommeillée. Vous faites-vous connaître? Vous achetez un billet de loterie pour vous et un autre de vos amis. Le numéro de votre ami sort avant que vous lui donniez son billet. Échangez-vous les billets? Oui. Non, j'ai pas envie de lire la troisième. OK. Je lis la troisième. 5 piastres pour la troisième. C'est ça que j'allais dire. Qui me donne 5 piastres pour la troisième? 5 piastres pour la troisième. C'est bon. C'est ça que ça vaut. Une personne âgée vous vend sa maison bien au-dessous de la valeur réelle. Lui, faites-vous remarquer? C'est déjà à 5 $. 6 $. 6 $. 7 $. 8 $. 8 $ une fois. 9 $. 10 $. 10. 10 une fois. 10 deux fois. Tu me donnes-tu 15 pour une autre question? 10 trois fois vendu! On est-tu au dernier lot, là? On est rendu au dernier lot de la soirée. On a des fans du derrière. Est-ce qu'on a des fans du dernier lot ici dans la place? Le dernier lot! Alors, c'est une... C'est un petit cochon, mais que c'est un point, mais c'est le point de Hellboy. Pour les quatre personnes qui aiment Hellboy dans la salle. Alors, c'est une banque de Hellboy. 2 $. 3 $. 3 $ une fois. Non, on monte à un coup de 50 quand même, là. 4 piastres. 4 une fois. 4 deux fois. 5 $. Ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir les mettre dedans. 5 $ une fois. 5 $ deux fois. Et 6 $. OK, 6 $ une fois. 6 $ deux fois. 6 $ trois fois vendu. Et c'était le dernier lot, sans tambour ni trompette, qui vient de se terminer. Je passe maintenant le micro à Tommy Godette, qui va vous parler d'affaires. Merci beaucoup, Bruno Corbin. C'est un privilège à chaque fois. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. À chaque lundi soir, son long métrage... Mais toute cette magie ne pourrait vivre sans les efforts de Olivier Godette là-bas, s'il te plaît. Oui, on peut applaudir Olivier qui est là depuis 14 heures. Les techniciens Stéphane Mallette ainsi qu'Alexandre Larocque à chaque fois. Du début à la fin, c'est le meilleur show bénévole du lundi au monde. Et on a besoin de techniciens de qualité pour faire vivre ça. Et là, je suis rendu au moment où je vais parler rapidement du long métrage. Je suis pas déçu que ça joue ce soir, mais hein, on aurait pu faire mieux. Ce qu'il faut, c'est focusser sur le CGI. Il faut focusser sur Jeremy Irons et à quel point, à toutes les fois, qu'il peut prendre une décision, il se trompe. C'est pas facile, ça. À un moment donné, il y a le gars là, qui était la momie aussi, je pense. En tout cas, il n'y a pas de poil nulle part, là. Puis là, il dit « Oui, maître, je ferai tout pour vous. » Puis il dit « D'accord, et pour faire sûr que tu vas faire ça, je vais te mettre une malédiction qui fait que c'est sûr que tu vas me trahir à la fin du film. » Le gars vient de te dire « Ouais, man, t'es super blood. Ben ouais, ben je te curse. » À toutes les fois, il fait ça. Et surtout, c'est un film, j'ai parlé du green screen, j'ai parlé du nain en début d'émission, mais c'est un film qui repose surtout sur des dialogues manqués. Et la version française, la glorieuse version française que vous allez avoir là, pauvre Molière, tu sais, Corneille, hein, tu sais, de tous les grands, là, les de La Fontaine. T'sais. En tout cas, le film commence, et juste pour vous mettre un peu dans l'esprit, je lâche juste après, et je vous rappelle qu'on est là chaque lundi, allez voter sur notre page Facebook, amenez votre sœur et vos cousines. Le film commence, vous allez voir, il y a deux voleurs qui sont accrochés sur une corde, un par-dessus l'autre. C'est les deux héros. Il y a le Chris Rock, là, ou la saveur de l'époque, là, tu sais. Il y a le blanc qui est vraiment beau. Et les deux, c'est des voleurs. Tu sais, c'est les héros, là, c'est fait de même. Mais pendant plusieurs secondes, accrochés sur une corde, dans le milieu du salon où ils allaient voler, ils vont s'ostiner. Pis ça, c'est cave en tabarnak. T'sais. On peut-tu comme finir la job, s'ostiner après? On peut-tu comme que c'est ça, rester accroché de même, pis parler? Ah, tabarnak, que c'est con. Pis après ça, ils rencontrent le nain pour rien à l'auberge. Ils pognent le nain, sa hache. Si tu vois que la hache du nain, elle est fake, là, crie hache du nain, pis moi, je bois avec toi, d'où. En attendant, je l'ai dit, je raccrochais vite, on écoute ça. Merci. Je pense que Zoé va passer avec la petite boîte si vous avez du change dans vos poches. C'est le Yuki de secours. Merci Zoé, merci à vous. Je suis tanné de m'entendre parler. On écoute Donjon et Dragon. L'Empire d'Ismer est depuis longtemps un pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie, ne sont guère plus que des esclaves. Savina, la jeune impératrice d'Ismer, souhaite l'égalité et la prospérité pour tous. Mais Profion, le mage maléfique, a de tout autres projets. Thank you.